Bonjour, voici le 67e épisode du podcast des nous. Oh yeah! Le podcast des nous vous est présenté par les nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Bonjour, cette semaine, on va avoir un épisode très, très, très spécial. Parce qu'avec moi, j'ai un invité que vous reconnaîtrez peut-être. Peut-être. Avec moi, j'ai Dominique, avec qui je n'ai pas podcasté depuis longtemps. Absolument, Laurent, ça doit bien faire un an ou deux, hein? Ou plus. Ou plus, hein? Quel était déjà nos premiers podcasts ensemble? C'était le podcast des nous. Oui, mais les sujets qu'on avait abordés, je pense qu'on avait abordé la question de la drogue chez les militaires. Oui, on avait abordé plusieurs sujets pertinents comme ça, la drogue chez les militaires, les faits. Je pense qu'on avait aussi parlé un peu de ceux qui les anciens militaires retraités, leur... L'effet que ça avait eu sur eux, je crois. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Je reviens avec vous et avec toi, Laurent. Puis, j'avais pensé de développer des chroniques sur les guerres oubliées. Ça sera pas aujourd'hui que je vais en parler, mais ça va venir, là. J'ai lu quelques bouquins sur le Yémen, une des guerres les plus oubliées au monde. Puis, c'est ça. Ah, ben, ça va être passionnant. Tout à fait. Mais ce soir, je pense que, Laurent, t'as quand même quelque chose de chargé. T'as beaucoup de choses à dire à ce soir, hein? Oui, en fait, dans des précédentes années, on est allé plusieurs fois ensemble voir des films à Fantasia. Ouais, Fantasia, c'est fantastique, hein? Oui, C'est toujours une rencontre traditionnelle qu'on fait là durant la mi-juillet. Puis c'est un beau festival qui se tient à l'Université Concordia. Là, ça fait à peu près 15 ans qu'on connaît ça, ce festival-là. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, le Festival Fantasia est un festival annuel de films à Montréal qui se spécialise dans les films fantastiques et dans les films de genre. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est très international. C'est aussi très éclaté comme film. Oui. C'est sûr que c'est pas comme du blockbuster, là. Faut être capable d'accepter de pas tout comprendre dans les films. Hein? Oui. Donc, au fil des années, j'ai écrit plusieurs des notes sur des films qu'on avait vus ensemble et je voudrais en parler ce soir. Donc, Laurent, c'est à ton tour de parler. Donc, il y a quelques années, on avait vu le film néo-zélandais Pork Pie, qui date de 2018. Ça avait été présenté en présence du réalisateur et scénariste Matt Murphy. C'est un film qui est inspiré par Goodbye Pork Pie de Geoff Murphy, qui date de 1981. Mais ce n'est pas un remake, selon les propos de Matt Murphy. Je dois avouer qu'on n'a pas nécessairement tout compris... tous les détails à cause de l'accent qui rendait un peu difficile. Oui, c'est quelque chose d'un peu difficile de toujours comprendre l'accent. C'était néo-zélandais, hein, ça? Oui, c'est ça. Okay. Surtout dans certaines scènes où l'accent était vraiment difficile à comprendre. Mais on a quand même suffisamment compris le film, je crois, pour l'apprécier, le film, à sa juste valeur. N'est-ce pas? Oui, c'était un bon film. Très divertissant. C'est un genre de road movie. Il y a un type qui essaie de ravoir son ex, malgré que ce semble une cause perdue. Il va essayer de la revoir à un mariage où il n'est pas vraiment invité. Après que sa voiture ait explosé, il va embarquer dans la voiture conduite par un autre type qu'il n'a certainement pas en toute légalité, vraisemblablement, vu comment il fuit les flics. En s'arrêtant dans un fast-food, une militante pour les animaux va se joindre à eux. Tout cela va évoluer en course folle, avec poursuite par la police, conduite casse-cou, délire divers. À mon avis, ça fait un film. C'était un film très amusant, avec des personnages attachants et bien définis. Surtout le type qui veut revoir son ex, qui c'est vraiment très bien. Et toi, quel est ton avis? Ah oui, je dois avouer que ça fait un petit bout que je l'ai pas vu, mais je pense que c'était vraiment un film là, vraiment très divertissant, très amusant. Pour ceux qui s'en souviennent, je donne une note sur 5 à chacune de mes critiques. Un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, telle que par exemple tout ce qui touche de près ou de loin la politique. Donc, je donnerais à Pork Pie une note de 3 sur 5. C'est un très bon divertissement. Très bien, très bien. Est-ce que tu veux nous parler d'un autre film, Laurent? Mais oui, tout à fait. Tout à fait, on enchaîne. Donc, je vais vous parler maintenant de Tremble All You Want, un film qui date de 2017. C'est une comédie sentimentale japonaise que j'ai vue avec Dominique au festival montréalais Fantasia. Le sujet semblait intéressant. On y suit une jeune femme un peu excentrique. Elle vit beaucoup dans son imagination, dans sa tête. Elle donne des surnoms à tous ses collègues de bureau et autres gens qu'elle croise. Elle semble avoir des conversations irréalistes, sans doute imaginaires. Elle recherche sur Wikipédia des informations sur des espèces animales disparues. Elle pense souvent à un coup de foudre d'adolescence avec qui elle n'a jamais vraiment parlé et surgit dans sa vie un collègue de travail voulant sortir avec elle. Et puis elle va mettre au point un stratagème pour revoir son ancien coup de foudre. On suit presque plus la santé mentale du personnage, son monde interne, que la réalité. Mais la réalité s'insinue tout de même bien sûr dans le récit. Un film intéressant qui détourne un peu le genre comédie sentimentale. Ce qui est pas mal, la seule manière de faire un film du genre qui puisse être intéressant, je crois. Très sympathique, mais bien moins psychologique que ce à quoi je m'attendais. Je pensais, vu la description, que ce serait un film sur une vie de mésadapté, de problèmes de santé mentale ou quelque chose du genre. Alors que c'est plutôt la vie relativement solitaire d'une japonaise assez excentrique et pas mal imaginative. Ça reste un film très bien qui contribue un peu à expliquer le problème de couple et de natalité au Japon. Et toi? Ça, c'est quelque chose de spécial quand même. La natalité au Japon, oui, ça met de côté les intérêts. Hein. C'est un des pays qui a le plus bas taux de natalité au monde. En fait, il y a plus de mortalité que de natalité. Ouais. Donc, pour ce film-là, je donnerais une note de 3. Ah, c'est bien, c'est bien. Maintenant, je vais parler d'un film dont tu vas peut-être te souvenir un peu plus. Ah oui? Un film qui date de 2018. Louder! Oh, Louder! Can't hear what you're singing, wimp! Ça, c'était un film. Donc, ça a été présenté en première mondiale à Fantasia. C'était le dernier film de Satoshi Miki, réalisateur de Adrift in Tokyo et Instant Swamp. C'est une projection en présence du réalisateur qui a même fait une courte FAQ après, assez peu informative, mais sympathique. Dans ce film, un chanteur punk très populaire, un genre de Marilyn Manson, qui a les cordes vocales très endommagées suite à l'utilisation d'injections anabolisantes dans ses cordes vocales. va rencontrer et éventuellement coacher une jeune chanteuse qui ne chante pas assez fort. Ce film difficilement classable alterne entre comédie, rock musical avec aussi de la pop, et d'autres trucs. C'est assez étrange, spécial, original, drôle, comme le sont en général les films du réalisateur. Mais peut-être ici encore plus fou, avec le côté rock. Des images éclatées, des moments hilarants, une musique très bien, même si ce n'est pas vraiment mon genre, du tout bon. Le film va dans toutes les directions, du vrai n'importe quoi. C'est rafraîchissant. On voit par moments dans des directions inattendues, comme le moment où on entend la vraie voix de la rockstar. C'est un film vraiment excellent. Quelle note donnerais-tu à ce film? 4. 4. C'était vrai. Oh my God. C'est vraiment exceptionnel. Toi, tu t'en souviens bien de ce film-là? Oui, c'est un film qui marque. C'est un film qui botte des culs. Ouais, qui botte des culs. Je vais parler maintenant du film Dance With Me, du réalisateur Shinobu Yagishi, mettant en vedette Ayaka Miyoshi, qui était présenté à Fantasia en présence du réalisateur. C'est une comédie musicale sur un angle original. Une jeune femme est hypnotisée pour se mettre à chanter et à danser à chaque fois qu'elle va entendre de la musique, ce qui est assez étrange dans la vie réelle, et risque de mettre en danger sa vie professionnelle. Le film devient un road trip en plein milieu tout en restant musical. La musique semble être une sélection de hits des années 70. Avec son sujet, le film devient une comédie musicale assez originale, créant un décalage d'où vient une bonne partie de l'humour, mais ça ne l'empêche pas d'être un excellent musical et d'avoir aussi une bonne partie de l'humour qui vient des personnages et leur interaction. Les numéros musicaux sont très élaborés sans trop tomber dans l'overproduction, dans le trop produit, et les quelques moments où l'on voit les numéros musicaux de point de vue des autres gens que l'héroïne sont toujours très drôles. Le casting est excellent. Ayaka Miyoshi est parfaite pour tenir le film sur ses épaules avec sa voix, sa danse, son jeu d'actrice et sa frimousse. Les autres collent aussi parfaitement. Sa partenaire de voyage très excentrique, le détective privé, l'hypnotiseur, le patron, etc. Je ne savais pas que c'était le même réalisateur que pour Water Boys, un film que j'avais vu par curiosité il y a quelques années, à propos de nage synchronisée masculine. À moins que c'était un sport aquatique. En tout cas, c'était un film sur un sport aquatique masculin qui était plus... Water Polo, peut-être? Ouais, peut-être. C'était ridicule, en tout cas. Donc, ce nouveau film en conserve peut-être l'énergie et l'humour, mais pas du tout le style Waterboy, donnant l'impression d'un téléfilm ou presque un film amateur. Dance With Me témoigne d'une maîtrise. Peut-être pas aussi mémorable que Louder Can't Hear What You're Singing Wimp de Satoshi Miki, que j'avais vu l'année précédente, mais ça reste un film que j'avais trouvé extrêmement amusant, auquel je donnerais une note de 4 sur 5. Très bien. Par contre, je me souviens que quand on l'avait vu, toi, ça t'avait moins emballé que moi. Je dirais que oui, ça m'a moins intéressé, mais... Si tu le souhaites... Oui. On peut passer à un autre sujet totalement. Je vais parler maintenant d'un réalisateur de films dont j'apprécie plusieurs de ses films. Et Dominique, avec moi, je suis persuadé qu'il adore aussi plusieurs de ses films. Oui, tout à fait. Nous allons parler maintenant de Robert Zemeckis. Donc, Robert Zemeckis a commencé sa carrière avec deux films qui n'ont absolument pas marché, que je n'ai pas vus. OK. En 1978, il y a eu « I Wanna Hold Your Hand ». Et en 1980, il y a eu « Used Cars ». Est-ce que tu connais ses films? Pas du tout. Après ça, il a eu son premier véritable succès en 1984 avec Romancing the Stone, qui met en vedette Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. C'est une genre de comédie d'aventure dans laquelle une écrivaine s'en va en Colombie? En tout cas, s'en va en Amérique latine pour essayer de sauver sa sœur qui est en danger. Mm-hmm. Mais elle n'est pas du tout experte en danger. Elle n'est pas capable d'affronter... elle a même de la misère à entrer dans une voiture. Et là-bas, elle va tomber sur Michael Douglas, un aventurier, on va dire. Quelqu'un qui se promène à gauche, à droite pour essayer de se faire de l'argent. Et un baroudeur. Un baroudeur, oui. Okay. Donc, il va l'aider. Ça devient un mélange de comédie, d'aventure, un peu sentimentale. C'est un film qui est très divertissant. Je dirais que c'est un parfait film du samedi après-midi pour se divertir. Mm-hmm. Mais c'est pas non plus un film extraordinaire. C'est juste un très bon divertissement. Est-ce que tu as déjà vu Romancing the Stone? Non, jamais. Jamais. C'est la première fois que j'en entends parler. Par contre, sa suite, qui n'est pas du tout du réalisateur, Le Joyau du Nil, je crois, je me souviens pas du titre anglais, probablement la même chose en anglais, c'est pas aussi bon. Celui-là, Romancing the Stone, est vraiment très divertissant, mais la suite un peu moins. Par contre, si on veut vraiment vivre les aventures humoristiques ultimes, je recommanderais plutôt des films comme Big Trouble in Little China, qui est absolument excellent, ou de nombreux films de Hong Kong, tels que par exemple les deux Armour of God, mettant en vedette Jackie Chan, qui sont absolument excellents. Mais Romancing the Stone, personnellement, si je lui donnerais note, ce serait sûrement un 3 sur 5. C'est divertissant. Et après ça, en 1985, Robert Zemeckis a fait Back to the Future. Oh oui, ça c'était des films de notre jeunesse. Hein? Ouais, donc avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover et Thomas F. Wilson. Donc, des acteurs vraiment très bons qui ont donné une excellente performance dans une comédie fantaisiste de science-fiction et un peu d'aventure rocambolesque. C'est un très bon concept, l'adolescent qui voyage dans le temps pour se retrouver à l'époque où ses parents étaient des adolescents. Mm-hmm. Et ils ont aussi bien en tiré parti pour faire quelque chose de très amusant. Le film est reconnu en général pour avoir un petit côté aventure, mais je trouve que c'est plus vrai pour les suites que pour l'original. Par contre, ce qui va un peu vers l'aventure dans l'original déjà, c'est l'excellente bande-son, la musique qui est vraiment très, très, très bonne. Back to the Future, c'est des films qui ont bercé notre jeunesse, en tout cas ma jeunesse. Et personnellement, même si je suis quelqu'un qui habituellement préfère regarder les films en version originale, dans le cas de Back to the Future, Retour vers le futur, j'ai l'habitude de les regarder en français. C'est avec ça que j'ai grandi. Ben oui. Toi, est-ce que tu as des bons souvenirs de Retour vers le futur? Oui, je dirais que le meilleur, c'est lorsqu'il se retrouve à l'époque de ses parents, où ils sont jeunes adultes. Donc, c'est vraiment le film que j'aime le plus. J'aime moins celui qui se passe dans le futur. Ouais, ça, c'est le deuxième, mais il y a seulement une partie du film qui se passe dans le futur. OK. Donc, après ça, en 1988, il y a eu Who Framed Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit, qui met en vedette Bob Hoskins, Christopher Lloyd et Charles Fleischer, qui est adapté d'un roman de 1981 par Gary K. Wolfe, qui s'appelle Who Censored Roger Rabbit. Et c'est Richard Williams, le grand Richard Williams, qui a supervisé l'animation. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu Qui veut la peau de Roger Rabbit? Oui, je l'ai même vu au cinéma à l'époque avec mes parents. Puis... Ah oui? Ouais. Il s'agit bien de Roger Rabbit. Oui, oui. OK. Et puis comment ça, tu te rappelles toujours? Mais c'est très loin. C'est plutôt un film que j'ai vu quand j'avais 4-5 ans. OK. Ah, c'est un film que j'adore, que j'ai acheté en DVD, que j'ai revu à plusieurs reprises, qui met en scène de façon extraordinaire des acteurs réels et des personnages en dessin animé. C'est vraiment très réussi et l'histoire est vraiment intéressante et bien menée. C'est sérieusement un excellent film. Et si je lui donnerais une note, ça serait un 4 sur 5 encore une fois. Ah ouais, quand même. Ah, je pense que j'ai pas dit de donner une note à Back to the Future. C'est un 4 sur 5 aussi. Ce qui m'amène à Back to the Future Part 2, qui est sorti en 1989, dans lequel Michael J. Fox s'en va dans le futur. En fait, les personnages vont dans le futur. Et après ça, ils vont retourner à leur époque. En fait, ils vont aller dans le futur. Le futur est un futur qui se prend pas très au sérieux. C'est très humoristique et un peu parodique. Et en même temps, il y a Michael J. Fox qui va jouer le rôle de ses enfants en même temps que lui-même. Donc, plusieurs rôles dans la même scène, ce qui est assez amusant. Et après ça, les personnages reviennent à leur époque, les années 80, qui ont changé mystérieusement. Ce qui fait qu'ils vont devoir retourner dans le passé, à l'époque du premier film, pour régler le problème de la situation dans ces années-là. Ce qui est extrêmement amusant, ça l'a permis au réalisateur, à l'équipe, de revisiter le premier film, ce qui est un concept intéressant. C'est très différent de ce qu'on voit habituellement dans une suite. Personnellement, je donne une note de 4 sur 5 aussi pour le deuxième, Retour vers le futur. Il est peut-être un peu moins bon que le premier, mais il est quand même excellent aussi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je l'ai déjà regardé? Ah, tu as dit déjà toi-même que tu aimais moins celui où est-ce qu'il allait dans le futur. Ok, ouais. C'est pas grave. Donc, immédiatement après, en 1990, est sorti Back to the Future Part 3, parce que les deux films, en fait, ont été tournés un après l'autre. Ok. Donc, le troisième, c'est celui où est-ce qu'ils vont au Far West. Mm-hmm. Far West ancien. Qui est très intéressant. Ça fait un bon mélange d'humour et d'aventure. Auquel je donnerais aussi une note de 4 sur 5. Et toi, est-ce que tu te souviens bien du troisième Retour vers le futur? Au moment où il rencontre une jolie demoiselle, c'est dans ce film-là? Ah, le Doc Brown? Le docteur... Ouais, Doc Brown, il rencontre l'amour de sa vie dans ce film-là, oui. OK. C'est un bon film. D'accord. Après ça, en 1992, il y a eu Death Becomes Her. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on risque d'en entendre parler prochainement dans le podcast. Sinon, hein, 1900... C'est ton ami, comment il s'appelle, là, celui qui va aborder la question? Mystère. Ah, c'est un mystère. On garde le mystère. Sinon, en 1994... Il y a eu un film dont tu as peut-être entendu parler, qui est basé sur un roman de Winston Groom et qui met en vedette Tom Hanks. C'est un certain film appelé Forrest Gump. Ah, je savais pas que c'était qu'il y avait un lien avec un livre. Yeah. Écrit, oui, ok. Winston Groom. Winston Groom, oui. Groom, ok. Qui a été écrit dans les années combien? Oh, ça, je sais pas. Je sais pas, mais ok. C'est tout à fait mon meilleur film à vie, là. C'est un film que j'adore. L'acteur principal, Tom Hanks, est incroyable. Oui, il offre vraiment une solide performance dans ce film-là. Où il joue le rôle de quelqu'un qui a un QI assez faible, mais ça l'empêche pas d'être quelqu'un de très intéressant. C'est ça, c'est parce que... Tu sais, par exemple, moi, quand j'ai regardé ce film-là, je me suis jamais vraiment arrêté au fait que cette personne-là avait un quotient intellectuel plus faible que les autres. Moi, je le trouve admirable, ce personnage-là, parce qu'il nous montre qu'on peut arriver à tout faire malgré tout, avoir une vie passionnante, même, même si t'es différent ou quelque chose comme ça. Oui, moi aussi, j'ai une raison pour, aussi pour laquelle j'ai trouvé le personnage absolument fascinant, c'est parce que il y a un point de vue qui est différent, qui est unique sur les événements, sur l'histoire. Oui, c'est ça. Fait que c'est un film qui fait un clin d'œil aussi à plusieurs moments de l'histoire des États-Unis. Donc, c'est un film incroyable. Qu'est-ce que tu donnerais comme note à ce film-là? Ah, ce film-là, c'est sûrement un 4 sur 5. Là. Ah, c'est exactement ce que je pensais. Ouais. C'est notamment le film que j'ai écouté le plus souvent. Là. Une fois par année, généralement. Là, je suis un peu un vieux dinosaure. J'écoute ça à la télévision. Malgré que tu l'aies sur DVD. Oui, je l'ai sur DVD, mais je l'utilise pas assez souvent pour l'écouter. OK. Ah, moi, je l'ai regardé le Blu-ray ce matin. Ah, c'est frais. Donc, après ça, en 1997, il a fait Contact avec Johnny Foster d'après le roman de Carl Sagan. Est-ce que tu as déjà vu Contact? Non. OK. C'est un film de science-fiction dans lequel Jodie Foster est une scientifique qui, on peut dire, elle écoute les étoiles, en fait, avec les antennes satellites. Elle écoute l'espace pour essayer de voir des traces de signaux sonores qui seraient d'origine extraterrestre. OK. Et éventuellement, elle va tomber sur un signal sonore étranger. De là, va se découler tout le film. Je raconterai évidemment pas tout ce qui va se passer. Ça serait du spoiler, même si, de mémoire, le trailer du film spoilait presque tout. C'est un film que, personnellement, je trouve très intéressant, très bien fait. C'est assez émotionnel et la science-fiction est très réaliste, c'est très bien mené. Il y a des gens qui détestent le film, surtout à cause de la fin. Personnellement, la fin ne m'a pas vraiment dérangé. Je trouvais que c'était très correct. Et ce qui était plus important, est-ce que c'est vraiment la fin ou c'est le chemin qui nous y a mené? What Lies Beneath est sorti en 2000. Avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer dans une maison hantée. Je n'ai pas vu ce film. Okay. Est-ce que tu l'as vu? Non. OK. En 2000, il y a eu un autre film mettant en vedette Tom Hanks, Cast Away. Ça, je l'ai vu, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas que ça existait. Je te dirais que j'ai pas trop aimé, là, finalement. Ah, tu l'as pas trop aimé? Non. Je trouvais que c'était un peu long. La partie où il était un peu sur l'île déserte, tout ça. Je trouvais ça long. C'est vrai qu'il y a un peu de longueur, mais personnellement, la partie sur l'île déserte, c'est la partie que j'ai le plus appréciée du film. Je trouve que Tom Hanks offre une solide performance qui était filmée de façon assez subtile, je trouve, quand il était sur l'île déserte. C'est filmé correctement, mais c'est pas filmé de façon à magnifier l'image. Il y a assez peu de musique pendant qu'il est sur l'île déserte. Par contre, une fois qu'il a quitté l'île déserte, l'image est un peu plus recherchée, il y a beaucoup plus de musique, et quand il rejoint la civilisation éventuellement, c'est très mélodramatique, avec une musique qui essaie d'abuser les sentiments de façon très exagérée. C'est un film que je trouve pas mal, mais il aurait été meilleur s'il était un peu plus court et s'il n'y aurait pas eu autant de mélodrames vers la fin. OK. Donc, je vais maintenant nommer tous les films suivants de la filmographie de Robert Zemeckis, principalement des films en animation 3D moche pour enfants, avec de très mauvaises réputations, que je n'ai pas vues, quoique certains aiment The Walk, un truc basé sur la brève popularisée du cinéma 3D, à propos d'un type qui fait le funambule entre le toit de hauts immeubles. Donc, en 2004, il y a eu The Polar Express. Est-ce que tu l'as vu? Non. Moi non plus. En 2007, il y a eu Beowulf. Est-ce que tu l'as vu? Non. Moi non plus. En 2009, il y a eu A Christmas Carol. Est-ce que tu l'as vu? Pas certain. Moi, je ne l'ai pas vu. En 2012, il y a eu Flight. Est-ce que tu l'as vu? Non. En 2015, il y a eu The Walk, dont j'ai parlé tout à l'heure avec le funambule. Est-ce que tu l'as vu? Non. Moi non plus. En 2016, il y a eu Hollywood. Est-ce que tu l'as vu? Non. Moi non plus. En 2018, il y a eu Welcome to Marin. Est-ce que tu l'as vu? Non. En 2020, il y a eu The Witches. Je n'ai bien sûr pas vu ce remake, mais le film réalisé par Nicolas Roeg, sorti en 1990, est un vraiment excellent film pour enfants, bien qu'il puisse faire peur aux plus jeunes. Un film de l'époque où le cinéma n'avait pas encore peur de montrer des choses un peu effrayantes ou difficiles aux enfants. Une époque où l'industrie les prenait un peu moins pour des abrutis. Est-ce que tu as vu le nouveau The Witch? Non. Est-ce que tu as vu l'ancien? Non. OK, en tout cas, c'est un très bon film, l'ancien. Okay. En 2022, c'est-à-dire cette année, il y a Pinocchio. Je ne sais pas si ce film est déjà sorti ou pas encore sorti, s'il sort plus tard dans l'année, pour la bonne raison que je m'en contrefiche complètement, mais au moment où j'ai pris mes notes, Pinocchio n'était pas encore sorti. Donc, je ne l'ai bien sûr pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus depuis que j'ai écrit mes notes. Et toi, admettons que Pinocchio serait sorti et que j'en ai pas conscience. Est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai... Non, non. Je sais même pas si c'est sorti ou non. Ça m'intéresse okay. pas du tout. Mais par contre, Pinocchio, le dessin animé par Disney, est un très bon film. Mm-hmm, tout à fait. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et tu l'aimais? Oui, très bien. Merveilleux. J'espère que vous avez aimé écouter ce podcast et j'espère que Dominique reviendra dans un avenir pas trop lointain pour nous parler de sujets passionnants comme oui. les pays avec les guerres oubliées. Oui, tout à fait. Je reviendrai très bientôt. Merci, Laurent, de m'avoir invité. Ben, merci, Dominique, d'avoir participé. Après tout, le podcast des nous, c'est nous. Good. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine. Ah, ça, c'est le jingle de fin. Oui. Maintenant, je l'ajoute plus au montage. Je le mets directement là. Ça fait que le montage est moins long. Ah, OK.